C'est Rambobine, la nouvelle émission de la locale. Il captait la radio et surtout il pouvait enregistrer. Il marchait à pile ou à électricité. Nous étions au milieu des années 90. J'avais de nombreuses cassettes. Parmi mes préférées, il y avait celle de Céline Dion, d'amour et d'amitié. Et j'avais aussi un tas de cassettes vierges. Je m'enfermais souvent dans ma chambre, assise sur la moquette face à mon radiocassette noir. J'écoutais la bande FM. Puis, je me penchais en avant pour enfourner une cassette vierge dans le lecteur. Je m'asseyais de nouveau en tailleur. Je faisais glisser mon serre-tête pour ramasser mes mèches rebelles et j'écoutais avec attention la musique. Stoïque face au rythme. Puis, d'un élan, je me jetais sur le magnéto, pressant de deux doigts les boutons play et record. Le bouton record était rouge, les autres noirs. Il y avait play, avance rapide, retour rapide et puis pause et stop sur le même bouton. Je dansais, le corps tendu. Il n'était pas question de rater la fin du morceau et d'avoir sur l'enregistrement le jingle de la radio ou la pub de Géant Vert. Parfois c'était le cas. Alors je rembobinais la bande. Avec dextérité, mes doigts glissaient d'un bouton à l'autre, anticipant même sur le ressort du bouton. Jusqu'au bon moment, à l'endroit pile de la bande que je souhaitais effacer à tout jamais. Puis je m'asseyais à nouveau sur la moquette pour reprendre ma routine avec patience et perfectionnisme. Une fois la cassette pleine, je la sortais du magnéto et au stylo-plume, j'écrivais sur la petite étiquette blanche autocollante de la cassette le titre de ma nouvelle compile. Ce soir, sur l'étiquette de ma cassette, j'aurais pu écrire Rosa Parks. Parce que la locale a soutenu l'appel lancé par le collectif Rosa Parks de faire de la radio un espace silencieux vendredi dernier. Et que le samedi, la programmation laisserait entièrement la place à l'expression des personnes concernées, héritières de l'immigration coloniale et solidaire. Ainsi, la radio a affirmé son refus absolu des inégalités, des humiliations et des guerres, qu'elles soient menées ici contre une partie de la population ou à l'étranger. Alors, Rambobine a prévu une compile qui prolonge cette journée de samedi. Pour la première proposition, depuis le 97.3 de notre bande FM à Saint-Giron et ses alentours, nous allons partir à l'île de la Réunion, avec « Fais battre la langue » de Laure Châtrefou et de Sophie Louis. Ça dure 21 minutes et c'est une production Arte Radio. Je reviens d'une petite île de l'océan Indien, déserte il y a 3 siècles, et compte alors commencer à peupler des paysans et des artisans français. Dans les années 60, à l'île de la Réunion, au moment de la décolonisation, l'État mène une politique d'assimilation afin de ne pas perdre ce département français. La langue créole est alors officieusement prohibée dans les écoles, les radios et les institutions. Les artistes et les intellectuels utilisent les armes de la poésie pour se battre contre cette politique assimilationniste. Ils créent des réunions dédiées à la déclamation de poèmes en créole, les cabars fonds de cœur. Tanté, fonquez à mon parti, dit la réunion. J'ai rencontré un poète qui disait que la langue avait un pouvoir. La langue et que celui pouvoir. Qui perdait sa langue perdait son celui pouvoir. Celui qui perd sa langue. Perd ce pouvoir. On a pris un peu de malbar, on a pris un peu de malgache, on a pris un peu d'africain, on a pris un peu de français, chinois. Et c'est comme ça que la langue créole est née. Sauvé par ma langue, parapion, la mouignon, liba la langue, liba vang don kong. Judith Profil et Babou Bedjala appartiennent à la nouvelle génération des fonds de Kaiser. Au début, j'écrivais en français. Pourquoi j'écrivais en français? Parce que c'est la langue de l'écriture pour moi. Judith Profil vit dans l'est de l'île. Quand elle déclame un texte, on ressent son corps vibrer, comme connectée à la terre. Les mots qu'elle chante et qu'elle dit lui ont été transmis par ses ancêtres. On a pris des coups de règle sur les doigts, nous, pour parler français. Hein. Babou Béjala, lui, aime inventer des mots en créole, en utilisant la poésie de la langue. Il est toujours accompagné de carnets de notes dans lesquels il écrit ses inspirations quotidiennes. Chaque carnet porte une histoire, une énergie, un voyage. Avec le petit bonnet d'âne sur le coin, parce qu'on parlait créole, hein, donc il était hors de question de parler créole. D'ailleurs, ça marchait. Hein, même le soir, des fois, on rentrait à la maison, bah, du coup, on se mettait à parler en français. Cette fois-ci, la volée venait de papa en disant mais, « Tu me prends de haut maintenant ?» Paf, parce que bah, tu parles pas en créole. Donc, dans notre approche, c'était le créole à la maison, quand on jouait avec les copains. Mais dès qu'il s'agissait de savoir, de transmission de connaissances, forcément, bah, c'est le maître. La poésie, on apprenait Prévert, on n'apprenait pas Daniel Honoré, Daniel Warreau, pas du tout. Salut. Oui, bonjour madame. Bonjour. En fait, je voulais savoir, je cherche des bouquins en réunionnais. En jeunesse, ils sortent pas mal de choses en langue réunionnaise. Mais en littérature même, tu n'as rien, Rosa ? Il n'y a plus rien ? Je cherche surtout des poètes. Alors ce sera plus contemporain du coup, parce que la plupart des poètes qui sont un peu plus anciens, comme le Comte de Lille ou autres, écrivaient exclusivement en français, même s'ils parlaient de la Réunion. À l'université, j'avais un cours de littérature francophone. Et donc cette prof, elle disait, regardez, la bibliothèque départementale, il y a très peu de livres réunionnais. Le souci, moi je pense qu'il y a pas mal de livres qui sont écrits à la Réunion, mais qui ne sont pas en langue réunionnaise. Elle nous encourageait, elle nous disait « Ouais, il faut écrire, il faut laisser des traces. Si vous avez des choses à dire, des témoignages, c'est important, faites-le. » En créole, c'est plus fort, j'ai l'impression. Les mots sont assez forts, donc ça nous touche, mais il n'y a pas beaucoup. Voilà. « M'a dit, t'es ouais, t'es... Ah ouais? Écris un livre, t'es? Ah ouais? » Ben peut-être un jour m'écrire un livre alors. De l'eau, t'es boire le temps, t'es boire mon temps, t'es viole mon sentiment avant. Aster, de l'eau, il boit le temps, de l'eau, il lave avant, il gagne pas blesse mon sentiment. Mais mon temps, il envale le vent, il court, il souffle dans le bois, il court, il soulève le toit, il rêve, fait sapin, biba sa terre, il rêve, biba si vient son zézère. De l'eau, t'es boire le temps. Mais mon temps, il gagne pas viol, mon sentiment. Je fais ça vraiment parce que je peux pas faire autre chose. Ben, je peux faire autre chose, mais c'est qu'à un moment donné, il y a eu l'urgence d'écrire. En 98, je suis allé travailler à Radio Piquant et je me suis rendu compte de toute la problématique qu'il y avait autour de la langue. Ça m'a mis à l'écriture créole et c'est vrai que depuis les années 2000, je n'ai pas arrêté. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'écriture en français. Dès qu'il s'agissait de poèmes, de fonds de cœur, ben, il est hors de question d'utiliser le français. Le fond de cœur, c'est en créole. Et voilà. Alors, fond de cœur, ça veut dire poésie, alors que la poésie vient du fond du cœur, et donc le fond de cœur, c'est la poésie. Je sais pas si ça passe deuxième fond de cœur. Les cabarets fond de cœur, c'était des rassemblements de poètes, d'artistes, l'effervescence un peu de la poésie, commencer à dire les textes, à rencontrer des gens qui s'intéressent à ça et tout ça. C'est comme ça que j'ai commencé à dire mes textes devant les gens. Moi, c'est qui te à Casamo, dit vous essayez la relève d'un fond que zéro. Là, me parle de ça, tu sonnes un petit peu, mais connais pas le bolivien, quel âge là, mais. C'était des poètes qui militent pour la langue créole, pour s'accepter en tant que réunionnais, en tant que créole aussi dans l'océan Indien, français. Voilà, c'était la découverte. Mon Dieu, ce monde existe. Waouh. Bon, et ben Babou, c'est un beau qui l'a voyagé, l'a parti, l'a revenu, et on peut dire que c'est pas un bourrique. Hein. Puisque son texte, il appelle Millet. Hein. Millet à langue. Gata ou à moi. Millet mon langue. Millet créole. Moi les langues là. Moi les créoles. Millet à langue. Gata ou à moi. langue causée. Languement, causement, mon langue dans mon bouche sale d'un goût de miel, langue là. Donc faut... C'est pour ça. Si vous gagnez des textes là, vous gagnez tous les autres textes. Parce que là-dedans, on a toutes les difficultés de la lecture du créole. Tu ressayes un coup ? Respecte la ponctuation. Souvent, les gens ils disent « Ah, c'est difficile d'écrire en créole. » Moi, je dis « Essayez de prendre un texte en créole et mettez-le en français. » Ça, c'est difficile. C'est difficile de partir du créole et d'aller vers le français. Par contre, quand j'ai commencé à l'époque à écrire en créole, ben déjà, c'était beaucoup plus naturel. J'avais pas à réfléchir, à me dire, oh, là, je vais faire une métaphore, là, je vais calculer, là, je vais faire ça et tout, tu vois. Mais non, là, je... On dirait mon cœur à tes causes. Un bonhomme, coma, il commence, bonheur, ensemble, zombie, ensemble, le rond, il tombe dans le coma. J'étais soulagée. C'était un truc... C'était presque normal. Oh, tu vois, sous la... Oh. C'était comme ça, le sentiment que j'ai eu. Mais si tu t'exprimes, tu penses en créole, c'est cool. Tu n'as même pas besoin d'aller vers le français. Tu es toi-même. Le temps, il boit de l'eau, mais il est en l'eau. Il viole mon petit oiseau. Comme Zazo, il vole dans tout. Comme Zazo, il vole dans tout. Sa Zazo, il vole dans tout. J'ai l'impression d'être un alchimiste. Voilà, l'impression de mettre des mots, de secouer un peu, de mettre du sodium ou je sais pas trop quoi, et que ça fait paf, allez hop, un nouveau mot. J'ai un pour un copain, un néologisme créé pour lui, c'est un Allemand, qui était venu étudier à l'île de la Réunion, et on l'appelait Zamallemand. Parce que quand on cherchait quelque chose à fumer, c'était lui qui nous présentait le meilleur Zamal à l'UL. C'est pour parler de l'androgyne, l'amouroir, l'amour qui tue. Bianguer, marcher en biais, la maison est en biang, la maison est en biais. Mon vis-à-vis, ma compagne. Badibok, pour dire Big Bang. Fond de causerie, le commérage poétisé. Moque causement, ce serait une conserverie de poèmes. Moque, c'est pas se moquer. Pour nous, la moque, c'est la boîte de conserve, justement. Et je suis en train d'essayer de voir quel mot je peux créer à partir de ce mot. Quand j'écris en créole, je me sens inspiré déjà, disons pas habité, mais presque, disons des fois. Ça dépend dans quel univers je suis. Par exemple, si j'écris alors qu'on est chez Madame Baba, donc c'est un endroit où on faisait le service cabaret, donc l'hommage aux ancêtres. Oui, quand on est dans cet univers-là, bah, par exemple, on peut se sentir habité de dialogue avec des ancêtres. Donc c'est pour ça que j'ai toujours un carnet avec moi. Les chants des services cabaret, donc c'est les chants que nous on chante dans nos cérémonies en l'honneur des ancêtres. Mais ces chants-là, ce sont des chants qu'on a hérités de génération en génération. Donc souvent, on va connaître plus ou moins les mélodies et on va aussi avoir des syllabes et tout dans les têtes, dans nos têtes. Hein, mais on ne va pas savoir vraiment qu'est-ce que ça dit. Et donc, c'est pour ça, moi, que dans mes ouvrages, j'ai repoétisé ces textes-là, j'ai inventé un imaginaire autour de ces textes-là. J'écris aussi pour que nos croyances arrêtent d'être stigmatisées, quoi. C'est chiant. Cette culture-là, ces croyances-là, elles sont plus ou moins tolérées, mais elles ne sont pas validées. Je veux dire, je ne vais pas discuter de ça avec le préfet, par exemple. Parce qu'on est dans une société française quand même. Mais le problème, c'est ça. C'est que pour l'instant, les gens qui pratiquent ce culte-là, ils sont pas forcément respectés par tout le monde. Yeah, yeah. Ah, c'est le menu samedi. Puissant. Puissant, dangereux. Hein. Dangereux, dangereux. Maoré, les Arabes, ils dansent. L'esprit sort de pitié. À lui-même, il est fatigué. Il chante une heure de temps. Il fait chanter à lui-même. Il fait continuer le même morceau. Voilà, on connaît ouais. Pourquoi on chante. On ne chante pas pour faire variété ou bien pour faire plaisir à tout le monde. Ouais. On chante parce que. Parce que on l'est, on chante parce que on l'est, ça l'est en haut et on chante tout ça. Azuluk tawane, tawana mina boma lia lia, maman dinosa, dinosa, dinosa. Le fait d'honorer ses ancêtres, c'est de s'honorer soi, en fait. C'est pas d'être dans le passé ou c'est de dire bon ben je suis ce que je suis avec tout ce qu'il y a derrière moi, mais je choisis. Qui je veux être aujourd'hui et demain aussi. Mon rapport. Thank you. À l'île de la Réunion, de toute façon, c'est simple. On nous propose une nouvelle voiture, on trouvera que c'est la plus belle voiture. Parce qu'elle vient d'ailleurs. Quelqu'un vient de Paris et qui nous dit que c'est comme ça qu'il faut faire, ben on dira oui. Et c'est ça qu'il faut casser. La bonne cordon de bateau, un moment sans enfant. Négrier souffle de l'eau à force tant que cosmos. Bougiras sans oreille, là de son vent si dehors. Voile toute vent sans pareil, comme navin noir les morts. Moi j'ai un frère qui est parti en France depuis 2000. Il est revenu en vacances en 2005, soi-disant il parlait plus créole. C'est un non-sens de dire que je ne parle plus créole, parce que sinon ça va nuire à mon évolution sociale, ça va nuire à la place que j'ai dans la société. Non, je veux dire au contraire, c'est parce que tu refuses tes origines que tu n'as pas cette place légitime dans la société. Après ça, mon histoire, Jijuji l'ité cher, papa maman d'avoir, mémé pépé les fiers, Makoto tu vieillène, d'Alomon vie d'hiver, France Gassi, l'Afrique, l'Inde, pour m'y vivre dans la mer. Mais je préfère 100 fois qu'on valorise grand-mère Cal qu'Halloween. Et ça coule de source. Halloween, c'est pour moi l'archétype même de la mondialisation culturelle. Ça n'a rien à voir avec la réalité locale, avec nos légendes, avec nos mythes, avec notre cosmogonie. Pourquoi s'inventer un mythe? On a nos bébêtes à La Réunion, on a nos monstres. Et pour moi, ça grandirait l'enfant réunionnais, hein, qui sache son histoire, sa poésie, sa littérature, qui lise Dora, qui lise Chemin Bracanote, qui lise Démavouze la vie, oui, mais Tangold de Dédé Lansor, L'aimé d'Axel Gauvin. Santé, ma santé, mon pays, Podi, dans mon bac à Niki, chanté, fond de caisse à mon parti. Podi, la Réunion, mon zombri. Au collège, quand on commence à se poser des questions sur qui on est, sur les modèles, et où j'avais eu une rédaction, c'était d'écrire ton héros. Je me suis dit, mais c'est qui mon héros, tu vois? J'ai cherché tout ça. J'étais obligée, en fait, de chercher ces héros-là dans ma vie de tous les jours parce que je ne les voyais pas ailleurs. Je ne les voyais pas dans les livres. J'aimais bien Molière, tout ça là. Comment ? Harpagon. Ça, t'es mon héros, ça. Harpagon. Tu vois, ben, quand t'es petit, voilà, on te donne des trucs comme ça. Toi, ben, tu prends. Quand c'est rigolo, ça devient tes références. Mais c'est vrai que ces références-là, je les aimais bien, les références françaises, mais elles ne me collaient pas à la peau. C'était pas moi. Et du coup, il fallait que j'aille chercher d'autres références qui étaient plus proches de moi. Mais n'empêche que je ne les ai pas trouvées, vraiment. Je les ai inventées. J'ai voulu recréer des figures qui me faisaient rêver. Septième, l'âme, la mer, silence, la danse, les amers. Lila, lila, descente, la mort, fouteau. Dans la rivière, lila, jette son corps, fouteau. Je me suis inventée ma grand-mère. Elle était bien, mais il fallait qu'elle soit encore mieux. C'était Ravalonne, la reine malgache, tu vois. J'ai fait aussi un poème où je parlais de princesse Sakalave qui habitait dans l'immeuble. Parce que je disais, maman, on est princesse Sakalave, mais laisse tomber, on habite dans l'immeuble quand même. J'ai continué à créer aussi ces héroïnes un peu imaginaires-là. Dans mon deuxième recueil de poèmes, c'est Gabon Dieu Galet, où j'ai parlé d'une espèce d'ancêtre, mais qui est peut-être plus une entité qu'une ancêtre, qui est une sirène. Et c'est elle qui m'envoie... son énergie pour chanter. La neige donne tête caf, c'est comme un caf, iral un taf. Caf, c'est un noir. Un caf, iral des taf, ça comme un caf. Noir de la Réunion, on appelle les caf. Les pas un nuage, mais un faux mirage. Et les filles, les cafrines. Les pas un nuage, mais un faux mirage. Nous descendons, c'est vrai. Nous descendons d'Africains venus d'Afrique. Nous descendons, chers camarades, d'Indiens venus d'Afrique. Nous descendons de Malgaches venus de Madagascar. Nous descendons de Chinois venus de Chine. Nous descendons aussi de Français venus de France. Quand on vit à l'île de la Réunion, on est forcément international. C'est-à-dire que dans mes veines, moi, j'ai de l'Inde, j'ai de Madagascar, j'ai de la Chine, j'ai de la France, j'ai un peu du Portugal, j'ai un peu de tout qui coule dans mes veines. Pour moi, il n'y a pas plus international qu'un réunionnais. Ça parle toutes les langues. À l'île de la Réunion, on dit qu'on parle que le créole. On ne parle pas que le créole, on parle le gujarati, on parle l'hindi, on parle le mandarin, le cantonais, akka, malgache. À l'île de la Réunion, il y a pagode, église, koilou, salle du royaume des témoins de Jéhovah, la salle des francs-maçons, dans la même rue. L'appel à la prière par les Arabes, la cloche de l'église qui sonne à midi, l'autre à 13h, l'autre je sais pas trop quoi. Le soir, il y a les témoins de Jéhovah qui rentrent ou je sais pas trop quoi, personne ne se bat. Et ça, je trouve que c'est une force. Mais une force qui a été apportée par la culture réunionnaise. C'est-à-dire que c'est cette culture qui a permis que les gens vivent comme ça à l'île de la Réunion. Alors, d'ailleurs, ce qui réunit tout ce petit monde-là, c'est la langue créole. C'est-à-dire qu'un arabe, tu vas dans son magasin, tu veux du tissu, tu ne lui parles pas en gujarati. Moi, je ne parle pas gujarati, je parle en créole. Lui, quand il s'exprimera dans sa sphère familiale, il parlera hindi, gujarati ou pakistanais ou je ne sais pas trop quoi, peut-être. Mais dès qu'il a affaire, dès qu'il sort de chez lui, dès qu'il sort de son magasin, dès qu'il rencontre les gens, il parlera créole. Donc, ça crée du lien. arteradio.com Millet, gros blanc, blanc, petit blanc, yabou, patouzones, habitants. Millet, caf, noix de pioche, la rente, caf salon. Noix de pioche, la niabou, marron. Millet, malgache, mouillant en banne, malbar, chinois, malibaï, comore, blanc. Sur mon langue, la goutte sel, toute qualité bord la terre, s'y avine bien. Millet créole, millet un habitant la terre. De retour dans les studios de la locale, vous êtes d'ailleurs toujours les bienvenus pour prendre les commandes de la table, dire un mot au micro ou juste boire un bon thé bien chaud. Alors on va faire une pause musicale avec Mélissa Lavaux. Je la laisse se présenter à vous et ensuite on l'écoutera chanter. Dans le froid de Paris, j'écoute et je sens tout ce qui me raccroche à Heidi. C'est étrange d'être aussi attachée à une île alors que je la connais si peu. Mais ça me donne le droit de la rêver. En Haïti, les divinités d'Afrique viennent rendre visite à ceux qui les appellent. Pour traverser l'Atlantique, on dit qu'il passe par les racines souterraines des grands arbres qui poussent des deux côtés de l'océan. Les racines, elles poussent en moi et font la sève de mes chansons. Toi feuille, toi racine d'or. Je t'ai plié, ramassé son gel. Thank you. Vous êtes bien sur la locale 97.3 à Saint-Girons et ses alentours, et vous êtes à l'écoute de Rembobine. Nous sommes partis à La Réunion, nous venons de rencontrer Mélissa Lavaux qui chante sur son dernier album entièrement en créole haïtien. Et maintenant, je vais vous présenter en 2-3 mots Rosa Parks. Rosa Parks, c'est cette femme afro-américaine qui, le 1er décembre 1955, a refusé de céder sa place à un passager blanc dans un bus. Et c'est ce qui lancera une grande campagne de boycott de cette compagnie de bus et de très très nombreuses protestations. Et Rosa Parks, elle a lutté une très très grande partie de sa vie contre la ségrégation raciale. Le collectif Rosa Parks a écrit un communiqué pour le week-end dernier, et voilà ce qui est dit. C'était d'abord exaucer le rêve de ceux qui ne veulent plus nous voir. Le vendredi 30 novembre 2018, nous proposons ainsi à tous ceux qui se reconnaissent dans nos mots d'ordre de tout simplement disparaître. Faisons grève, ne nous connectons pas sur les réseaux sociaux, n'allons pas au lycée ou à la fac, ne consommons pas. Bref, disparaissons 24 heures. Donnons-leur la France qu'ils veulent, une France sans nous. Puis, réapparaissons le 1er décembre. Plus beau, plus visible, plus déterminé que jamais pour exprimer et réaliser nos espoirs de justice et surtout notre refus absolu des inégalités, des humiliations et des guerres, qu'elles soient menées ici contre une partie de la population ou à l'étranger. Maintenant, je vous conseille de mettre un casque sur vos oreilles. Certains sonores sont plus intéressants à écouter au casque. C'est pour mieux savourer les jeux de distance, le passage du son d'une oreille à l'autre. Exil, c'est un son que j'ai trouvé en naviguant sur le net. Ça va aller très très vite. Ça dure une minute. Alors je vous conseille d'être très attentive. Palestine. Iran. Afghanistan. Afghanistan. Syria. Iran. Afghanistan. Iraq. Iraq. Palestine. Ghazni. Syria. Isfahan. Ahwaz. Kandahar. Afriyaz. Nimruz. Aleppo. Kabul. Afghanistan. Kabul. Raja. Herat. Syria. Nimruz. Iran. Isfahan. Ningarhar. Tehran. Tehran. Iran. Iran. Iran. Pakistan. Dubai. Mekavala. Syria. Dubai. Izmir. Turkey. Turkey. Turkey. Turkey. Antalya. Turkey. Istanbul. Istanbul. Istanbul. Istanbul. Istanbul. Istanbul. Cezire. İzmir. Cezire. Cezire. Lisbon. Lisbon. Aten. Aten. Aten. Greece. Athens. Athens. Athens. Vous êtes toujours à l'écoute de Rembobine sur la locale et c'était un son de Félix Blum que vous pouvez retrouver sur le soundcloud.com. Maintenant, on va écouter Lampedusa. C'est le titre de ce son qui provient d'une installation sonore mobile illégitime réalisée par Marie Harlet et Raphaël Rialan. Mais Lampedusa, avant tout, c'est une île italienne qui est traversée par de nombreuses personnes lors de leur exil. J'ai choisi ce sonore de 3 minutes 45 parce que c'est une forme très particulière. C'est une interview, mais avec un habillage sonore assez riche, qui donne beaucoup d'intensité à la parole de la sociologue. Voilà, je vous laisse écouter ça. Toute la question qui se pose depuis qu'on prend conscience du fait que les mobilités sont à la fois généralisées mais que de surcroît les mobilités illégitimes n'ont pas vocation à se réduire, mais en fait à s'installer durablement, puisque finalement elles ont toujours existé. C'est qui en sait suffisamment pour que ces mobilités qui sont considérées comme illégitimes cessent de l'être. C'est-à-dire pour que, effectivement, ce qui a été constitué comme un droit fondamental au cours du siècle dernier, notamment dans la Déclaration universelle des droits humains, devienne effectif. Que c'est un processus normal et que ça fait partie du procès humain que de se déplacer et de chercher à s'installer ailleurs que là où on est né. Puisque finalement, l'arbitraire de la naissance n'est pas censé tout déterminer notre existence. moins on pense la mobilité illégitime en termes de droits réservés qu'il faut étendre, et plus on peut faire prévaloir des politiques migratoires qui sont des politiques de limitation de la mobilité. Donc ne pas savoir ça, ne pas chercher à savoir ça et ne pas chercher à en savoir plus à ce sujet-là est une manière d'entretenir la mobilité illégitime et de s'en accommoder d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire, bah oui, c'est comme ça. De toute façon, il y a beaucoup de femmes qui ont immigré, mais pourquoi elles ont immigré? Elles auraient pu rester chez elles. Quoique ce n'est pas les femmes qui sont les plus stigmatisées dans la migration, les hommes le sont plus en fait. C'est pour ça que le régime de genre est intéressant à considérer. C'est que vous pouvez avoir une représentation en migration et en mobilité beaucoup plus négative des hommes que des femmes. Le dernier exemple, c'est Lampedusa. Tout le monde s'est apitoyé sur la mort des femmes et des enfants, comme si en fait le fait que ce soit des hommes qui meurent, c'était dans l'ordre des choses. Voilà. Donc il faut faire très attention dans la manière dont on travaille la question du genre au regard des migrations, y compris parce qu'une des meilleures manières de réduire à l'impuissance des femmes migrantes, c'est de les constituer comme des victimes, par exemple. Quand des gens vous disent « et il y a même eu des femmes et des enfants qui sont morts », ça veut dire que les catégories de l'humanité qui sont en général les plus soumises à autorité, à influence, les plus mises sous tutelle, et alors ça vaut encore plus pour les enfants, de fait, voyez, en fait, elles sont des victimes potentielles et des victimes idéales. Elles ne peuvent pas être des actrices dans ce cas-là. C'est comme si, en fait, elles étaient là malgré elles. Alors qu'on peut imaginer quand même qu'elles ont pris part à la décision. Cette vision paternaliste et condescendante, qui a des relents civilisateurs quand même assez forts, finalement renvoie à une sorte d'immaturité et donc de minorité politique, les femmes. Les hommes sont morts parce qu'ils sont irresponsables, parce qu'ils n'ont pas compris quel risque ils prenaient, parce qu'ils ont accepté le risque d'aller avec un passeur sur un bateau complètement déglingué, alors que les femmes ne sauraient pas. Mais c'est une manière de leur dénier une capacité à prendre une décision en pleine connaissance de cause, c'est-à-dire y compris en ne contrôlant pas ce qui va se passer. C'était Lampedusa, que vous pouvez écouter aussi sur le soundcloud.com, qui est une mine de sons. Je vous invite à aller sur ce site internet. Et on va finir par une balade à Madagascar où j'ai laissé traîner mon enregistreur il y a quelques temps. On va vous embarquer pour un road trip sonore de 20 minutes. Ça va aller très vite. On va être en taxi-brousse, au bord de l'océan, à la rencontre de lémuriens, au détour d'une partie d'Yam. Je vous en dis pas plus. On va découvrir ça ensemble. Bonne écoute! Oui, quel. Et ni peut-être ni peut-être qu'à être. Disons, il y a. Tem gassi, a maturi, a matem francês, dormir. Sim, tudo. Sim, tudo. Maturi, a matem gassi. Dormir, tem francês. E manger? Mina. Mina. Adino. Mina na loco guirie. Ah, mina na umbi, zai. Zai. Mina em? Umbi. A umbi? Umbi. A umbi. Bon, je vais tenter le petit. Aussi. Je vais tenter le petit. Ça, c'est combien les enfants? 6. C'est 10 le tout. Ah, quel camatia! 4 ou 2 ou 11? 1, 4 ou 2. 4 ou 2 au moins. Mais c'est le qu'on en a 10. C'est l'essence. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, tu fais non, ce que tu veux. J'aime pas les... Les suites. Les suites. La suite. T'as pas 4. T'as déjà petit, hein. Pourquoi? T'as pas le brûlant, là. A déjà eu le brûlant. Non, j'ai pas de brûlant. Mais je rejoue. 15. Et bah 15 ou 5. C'est pas les 5, hein? Non, oui. C'est pas les 5. Oui. 15, 5 ou 6. Je vais chercher le carré. Toi, t'as pas les grands non plus, mamie. Hein. Ah, carré, ça. Ah, il est dit qu'il y a un grand. Non, non, non, je parle, Yam. Pourquoi tu dis... Je parle, chien hein. Mort. C'est ça que tu dis, Alic, Max. C'est ça quand on dit, genre, c'est genre merde alors. Mais malgré c'est Alic, Max. C'est toi. C'est genre, quand tu dis merde alors. Bon, bah, il y a au moins 3 chiens qui sont morts dans la partie. Ouais. Ah, j'ai tué la lune. Ah oui, il y a toi, il y a eu 3 chiens, Wex, qu'elle a tué, mamie. Attends, mais t'as déjà tes foules, non? Déjà ah ouais. Foule. J'ai même pas nos foules. Après, la pétique. Waouh, alors attends. T'as pas encore le 6, ça? Le boisson glacé? Le boisson glacé, madame? Madame? Oui, voilà. Thank you.

97.3, c'est la fréquence sur laquelle vous êtes. Et vous écoutez bien La Locale, et c'est la fin de Rembobine. Le texte introductif est le fruit d'un travail en atelier d'écriture. Alors je souhaite faire un petit clin d'œil à Conce pour l'espace toujours aussi savoureux qu'elle nous propose à chaque fois. C'était la grande première de Bénédicte à la technique. Merci de l'avoir faite pour mon émission. Et je souhaitais aussi te remercier pour toujours me pousser vers le haut. Et pour écouter plus loin d'autres sons, il y a L'île en souffrance de Laure Châtrefou, la réalisatrice aussi de Fais battre la langue, qu'on a écouté au début. C'est aussi une production Arte Radio, et là c'est plutôt sur Mayotte. Sinon, il y a Jusqu'à ce qu'il fasse jour de Carole Berliner pour la RTBF, ça dure 52 minutes. Et ça provient de l'émission Sur les docks de France Culture. C'est un documentaire qui est porté par trois artistes, trois voix d'artistes haïtiens. Et là, je vais vous parler de l'émission qui m'a donné envie d'aborder cette rembobine de cette manière-là aujourd'hui. C'est l'émission Qu'est-ce que tu parles ? Quelle langue ? Dialecte ? Pas toi ? C'est une émission de Lilith Martine et les autres, qu'on peut retrouver sur radiorageuse.net. C'est une plateforme d'émissions féministes. Voilà, et ben pour ma part, je vous dis à dans un mois. On retrouve Béné pour Raturer Littérature ici même, lundi dans deux semaines à 18h. Et je vous dis salut. Et que crève l'État et que vive la radio.